إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، il nous montre comment accueillir le mois de Ramadan et comment se préparer pour le mois de Ramadan. كيف نستقبل شهر رمضان؟ فيقول شيخنا صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى بعد خطبة الحاجة: أما بعد، فأيها الإخوة في الله، فإن المؤمن الحريص على تقوية إيمانه وزيادته يحرص كل الحرص على اغتنام كل فرصة تعرض له، لا يفوتها، بل يحرص إلى أن يضيف إلى رصيد حسناته من الأعمال الصالحة ما ينفعه الله به في تثقيل موازينه يوم توزن الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والهاوية هي النار والعياذ بالله. Donc الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى parmi les savants contemporains, un savant salafi qui est d'ailleurs toujours enseignant à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit: « Ô frère en Allah, le croyant attaché à fortifier sa foi et à l'augmenter s'attache ardemment à saisir chaque occasion qui se présente à lui. Il ne la laisse pas passer, mais de plus s'attache à ajouter à son capital de bonnes actions, et bien quoi, des actions parmi les actions vertueuses, l'amal salihah, dont Allah lui fait bénéficier, en faisant peser plus lourd ses balances le jour où les actions seront pesées. » La traduction du sens de la parole d'Allah dit: « Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire quoi, Ummuhu, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond, et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. » Surat Al-Qari'ah, le fracas, versets 6 à 11. Et qu'est-ce que Al-Hawiya? Eh bien, Al-Hawiya, c'est le feu. Il y a un nar, ou l'i'adou billah. Et il dit, tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. La traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Khasiru anfusahum. Ils demeureront éternellement dans l'enfer. » Surat al-Mu'minun, verset 102-103. « Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, at-tahuru shatru al-iman, walhamdulillahi tamla'u al-mizan. » وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كما ثبت من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أرضاه. Le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: la purification est la moitié de la foi, et alhamdulillah remplit la balance, et سبحان الله والحمد لله remplissent ou remplit ce qu'il y a entre le ciel et la terre. comme cela a été rapporté de manière authentique d'après un hadith d'Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu arzah. يرحمك الله. وآخر آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله هو متفق عليه أيضا حديث كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ainsi que le dernier hadith de l'authentique de l'imam al-Bukhari رحمه الله qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un hadith rapporté par les deux cheikhs, qui est un hadith muttafaqun alayh, ay ittafaqa ash-shaykhan ala ikhrajihi. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit, le Bukhari et Muslim rahimahumullah, ils ont rapporté un hadith qui est le dernier d'ailleurs, comme je l'ai dit, de l'authentique de l'imam le Bukhari rahimahullah, deux paroles qui sont lourdes dans la balance, aimées par le tout miséricordieux, légères sur la langue, subhanallahu bihamdih et subhanallah al-azim. Fa fi mithli hadi al-ayyam al-mubarakah allati yudhilluna fiha hadha ash-shahr al-karim bi dhilalihi al-warithah yaghtanim al-muslim kull fursatin tu'radu lahu fala yufawwituha duna an yudi'a fiha 'amalan saliha yaddakhiruhu 'inda mawlah kay la yakunu dhukhran lahu yawm kay yakuna ذخرا له يوم الحاجة إلى مثقال ذرة من الحسنات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Lors de ces jours bénis, au cours desquels ce mois béni, c'est-à-dire le mois de Ramadan, nous couvre de son nombre légitime, le musulman saisit toute opportunité qui se présente à lui et ne la laisse pas passer sans qu'il y fasse une œuvre vertueuse. Cette œuvre vertueuse qu'il épargne, qu'il met de côté, si vous voulez, auprès de son Seigneur, afin qu'elle soit une réserve pour lui le jour. Quel jour? Le jour où il aura besoin d'un grain d'atome de bonne action. La traduction du sens de la parole d'Allah dit... ou d'un poids d'atome. On a dit la traduction du sens de la parole l'a dit, quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Surat al-Zalzala, versets 7 et 8. Donc il fasse des actions qu'il va épargner pour ce jour-là, où il sera en grand besoin de ce poids d'atome d'action. فَتَسْتَغِلُوا يَرْعَكَ اللَّهِ أَخِي الْمُسْلِمِ تَصْفِيدَ الشَّيَاطِينِ وَفَتْحُ أَبَابِ الْجَنَّةِ وإغلاق أبواب النار حتى تحصل على الخير الموعود من رب العالمين والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد تكثر من الأعمال الصالحة من الصيام والقيام وإطعام الطعام وتفطير الصائم وإعانة ذوي الحاجات وإغاثة الملهوف ومساعدة إخوانك الفقراء والمساكين ومد يد العون لهم بقدر ما تستطيع اتق النار ولو بشق ثمره ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. Saisis donc, qu'Allah te protège, mon frère musulman, cette opportunité que les démons soient enchaînés et que les portes du paradis soient ouvertes et que les portes de l'enfer soient fermées afin que tu obtennes ce bien promis. Par qui? Par Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut qui ne manque jamais à sa promesse. Il ne manque jamais à sa promesse. Innahu la yukhliful mi'ad. Augmenter en œuvres vertueuses, comme le jeûne, la prière nocturne, donner à manger, donner à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, aider les gens qui sont dans le besoin, porter secours à l'opprimé, aider tes frères pauvres, leur tendre la main de l'aide selon ta capacité. Crains l'enfer, même si ce n'est qu'en donnant la moitié d'une date. Et ne dénigre pas la moindre aumône, et même si ce n'est que tu rencontres ton frère avec un visage radieux. فَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ فِيهَا الْحَسَنَاتُ وَتُقَالُ فِيهَا الْعَثَرَاتُ وترفع فيها الدرجات، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتزود من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى، على أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله، لا يخالطها رياء ولا سمعة ولا إرادة لأغراض الدنيا وأعراضها وحطامها الزائل، وإنما تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. وكذلك لابد أن يكون العمل مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون عليه دليل ثابت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وفق فهم سلفنا الصالح. Donc, lors des séjours bénis, où les bonnes actions sont doublées, et où les faux pas diminuent, et où les degrés sont élevés, tourne-toi vers ton Seigneur et augmente en actions vertueuses qui te rapprochent d'Allah. Que ces actions soient sincères pour Allah, que ne s'y mélange aucune ostentation, ni aucune volonté d'obtenir des choses de ce bas monde, ni des vanités de ce bas monde éphémère. Que tu ne désires par cela que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également que ton action soit conforme à la guidance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'il y a une preuve établie du livre d'Allah ou de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'elle soit, c'est-à-dire l'action, conforme à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. نتزود من الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى حاثا المؤمنين على أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة وكل وسيلة تقربهم إلى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا هي الأعمال الصالحة التي أخلص فيها صاحبها عمله لله ووافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في معنى هذه الآية أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. وروي هذا المعنى عن غير واحد من السلف. وليس المراد شخصا تتخذه وسيلة بينك وبين الله، فإن الوسيلة هي الإسلام وهي الأعمال الصالحة التي بنيت على هذين الأصلين، إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. Donc Cheikh Saleh ibn Sa'd al-Suhaimi, hafidahullah ta'ala, il continue cette leçon, que vous retrouvez d'ailleurs sur internet en MP3, pour les frères qui veulent l'écouter, qui s'appelle « Istiqbal ou Shahri Ramadan ». Il en a une autre qui s'appelle « L'Isti'adad ou Shahri Ramadan ». Il dit, hafidahullah ta'ala, « Augmentons en actions qui nous rapprochent d'Allah, comme Allah l'a dit, incitant les croyants à faire des efforts dans les bonnes actions et dans tout moyen qui les rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala. » La traduction du sens de la parole d'Allah dit, c'est un verset de sourate Al-Ma'idah, verset 35, « Oh les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. » Le moyen ici, c'est quoi Al-Wasila? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le moyen? C'est quoi la wasila ici? Eh bien, ce sont les actions vertueuses dont celui qui les a faites les a voués de manière exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah, quand il fasse miséricorde, a dit au sujet de ce verset: répondez à l'appel d'Allah en ce quoi il vous a ordonné et en ce quoi il vous a interdit. Évidemment, quoi? Les ordres, en les appliquant, et les interdits, en les délaissant, en s'éloignant des interdits. Et cherchez à vous rapprocher de lui en faisant ce dont il est satisfait, subhanahu wa ta'ala. Ce sens a été rapporté de plus d'un parmi les plus prédécesseurs. Et le sens n'est donc pas une personne que tu prennes comme wasila, comme moyen, entre toi et Allah. Al-wasila, le moyen, c'est l'islam. ce sont les vertueux et ce sont les actions vertueuses, l'amal al-saliha, qui sont basées sur ces deux fondements. Quels sont les deux fondements? Le premier, vouer cette action de manière sincère pour Allah seul, exclusivement pour Allah et pour personne d'autre que lui. Deuxième, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses actions, ses paroles et ses approbations. فنتزود إخواني بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا ما دمنا في دار التزود وما دمنا قادرين على التزود قبل أن يأتي يوم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Augmentons donc, mes frères, en action vertueuse, qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que nous sommes dans la demeure de l'augmentation, et tant que nous sommes capables d'augmenter avant qu'arrive un jour, quel jour? Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Surat al-Furqan, versets 27, 28 et 29. Fa'iyaka Abdallah, fa'iyaka ya Abdallah, an tartakisa fi haba'il ash-shaytan, fata'ridu an il-a'mal, fata'ridu an il-a'mal as-saliha allati tuqarribuka ila Allah tabaraka wa ta'ala, wa takuna hislan hasinan laka bi'idni Allah azza wa jal, min haba'il ash-shaytan, وألاعيبه وأراجيفه ونزغاته وتوهيمه. Prends garde, ô serviteur d'Allah, à ne pas tomber dans le piège de Satan, de te détourner des bonnes actions qui te rapprochent d'Allah le Très-Haut. Et wallah, le shaitan, c'est un ennemi. Adou. Hein? Et regardez, écoutez, si vous voulez, sur internet, le dars de Cheikh Mohammed Imam. Hein? At-tahdir min adawati shaitan. Va montrer qu'un shaitan, depuis le début à la fin, c'est ton ennemi, te lâche pas, ya akhi fillah. Prends garde aux serviteurs d'Allah à ne pas tomber dans le piège de Satan, de te détourner des bonnes actions qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut, et qui seront pour toi, avec la permission d'Allah, une citadelle protectrice pour toi contre les pièges de Satan et ses jeux. Et ses paroles mensongères, et ses incitations, et ses illusions. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون ويشمر الجاد عن سواعدهم طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى طمعا من العتق من النار في هذا الشهر المبارك طمعا في مغفرة الله جل وعلا طمعا في الجنة ورضوانه. Pour cela, qu'actent ceux qui accomplissent les œuvres, et que se concurrencent les compétiteurs, et que se mettent courageusement à la tâche les diligents, cherchant par cela quoi? La satisfaction d'Allah, le Très-Haut, et en espérant d'être sauvés de l'enfer, en ce mois béni, et en espérant le pardon d'Allah, le Très-Haut, et en espérant le paradis, et sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, et craignant le feu, et nous cherchons refuge en Allah contre cela. Ala yajduru bina wa hna natafayya'u dhilal hadhihi al-ayyam al-mubarakah an nughayyira min halina wa an nusliha ma baynana wa bayna khaliqina subhanahu wa ta'ala mimma afsadat ash-shayatin wa ijtalat al-ummah 'anhu wa ba'udat bihim 'an sawa'i as-sabil. Ala yajduru bina akhi al-muslim أن نتذكر ونعتبر وأن نحمد الله عز وجل ونشكره على من من به علينا حيث مكننا من إدراك هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإدراكها والعمل الصالح بها والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ صالح بن سعد السهمي parmi les savants de cette أمة حفظه الله تعالى, qu'Allah lui fasse miséricorde et le protège, il dit, n'est-il pas digne de notre part n'est-il pas digne de notre part, nous qui sommes à l'ombre de ces jours bénis, que nous changions notre situation et que nous réformions ce qu'il y a entre nous et notre Créateur, que nous réformions ce que les démons ont perverti et ce dont ils ont détourné la communauté et les en ont éloignés de la voie de rectitude. N'est-il pas digne de notre part, oh mon frère musulman, évidemment aussi oh ma sœur en islam bien sûr, que nous nous rappelions et que nous tirions les leçons et que nous fassions les louanges de notre Seigneur et que nous le remercions pour ce dont il nous a comblé comme bienfait, car il nous a permis d'arriver à ces jours bénis, jusqu'à ces jours bénis. Et on ne sait pas, le ramadan n'a pas encore commencé là. Hein? Nous demandons à Allah qu'il nous facilite ainsi qu'à vous, à vous d'arriver jusqu'à ces jours du mois de ramadan et d'y faire des bonnes actions et leur acceptation. Il est certes le maître de cela et celui qui en a la capacité. Wallah, on est en besoin, ya ikhwati fillah. Nahnu fi hajatin ila ramadan. Et ça, c'est un dars de notre frère Abu Uwais, rahimahullah. Hein, le frère américain, le talib ilm, qui est décédé, rahimahullah. Hein, parmi ceux qui ont établi la da'wah salafi aux États-Unis. Hein, son fameux cours. Wa in need of ramadan. Nous avons besoin de ramadan. Et c'est un cours que les gens écoutent chaque année, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein, qui est un cours très connu, qui a beaucoup touché les gens. Regardez le frère, il est mort, rahimahullah ta'ala, qu'Allah le récompense, il donne Firdaus l'A'la pour son travail de la sunna, sa défense de la sunna. Alhamdulillah, il a laissé des cassettes derrière lui, il a laissé l'ilm, il a laissé des fawa'id. Hein? Fahadi ni'matun kubra, la hasra laha, an yuwaffiqaka Allah azza wa jal, lil'amal as-salih, alladhi tataqarrabuhu ila... تتقرب به إلى ربك وتلجأ به إليه وتنطرح بين يديه تسأله سبحانه وتعالى أن يوفقك للعمل الصالح وأن يتقبل منك ذلك العمل ثم تجتهد في مضاعفة الجهد من الصيام والقيام وأداء العمرة في مثل هذا الشهر المبارك التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم تعدل حجة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك فهل لك في عمرة تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceci est donc un immense bienfait qu'on ne peut mesurer, qu'on ne peut dénombrer, qu'Allah te permette de faire des bonnes actions qui te rapprochent de lui subhanahu wa ta'ala et qu'il te permette de faire des bonnes œuvres, puis qu'il accepte de toi ses actions. Puis multiplie les efforts, chers frères et chers sœurs en Allah, en termes de jeûne et de prières nocturnes et de omra lors de ce mois béni, au sujet de laquelle le véridique nous a annoncé qu'elle équivalait à un pèlerinage avec lui. Qu'elle équivalait à un pèlerinage avec lui, comme il en a fait part aux compagnons. Radiallahu anhum ardahum. Ne serais-tu donc pas une umra, ne ferais-tu donc pas une umra qui équivaut à un pèlerinage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Et par rapport au qiyam, on peut arriver des frères qui ne prient même pas de tarawih. Qu'est-ce que salafi ne prie pas de tarawih? Hein? Évidemment, les frères vont dire, ouais, mais le wujub, c'est pas obligatoire, etc. On parle même pas de ça, ya ikhwa fillah. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que le frère, le cheikh est en train de dire ici depuis tout à l'heure? Hein? Il faut que le khir hada, hein? Naam, ce grand khir de prier de faire le qiyam. Cheikh le continue en disant: Wa laysa al muradu ya Abdallah annaha tughni an ada'i faridati al hajj, walakin yuktabu laka min al ajri miqdara ajri hajjatin ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne veut pas dire aux serviteurs d'Allah que tu n'as plus t'acquitter de ton obligation du pèlerinage. Mais cela veut dire que la récompense qui t'est écrite équivaut à un pèlerinage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a également dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Et que ça équivaut à une hajj, dans une riwaya, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, hajjatan ma'i, une hajjata avec moi. C'est-à-dire avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Wa la yanbaghi an tukhassis yawm bi'aynihi. أن تخصص يوما بعينه وإن كان لا شك معلوم أن العشر الأواخر أفضل من غيرها. Il ne convient pas que tu fasses cette umra un jour spécifique, même s'il t'est connu, s'il est connu sans aucun doute que les 10 derniers jours du Ramadan sont meilleurs que les autres. ولكن بالنسبة لأرباب عائلتها الذين معهم أطفال ونساء، حبذاء لو اعتمروا أو أعمروا نساءهم وأولادهم في الأيام الأولى، وذلك لأمرين. الأمر الأول يتفادوا الزحام الذي قد يعرض نساءهم وأطفالهم لشيء من التعب، والأمر الثاني أنك تتيح لإخوانك المسلمين الآخرين فرصة المجيء والذهاب إلى تلك البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.